لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous allons voir ensemble, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, un sujet important, et c'est celui de la foi, l'Iman. Donc bien sûr, c'est un sujet qui est très large. Et on pourrait l'exposer de différentes façons. On pourrait tout simplement même citer ou mentionner le hadith de connu sous le nom de hadith Jibril, alayhi salam, en mentionnant tout simplement les piliers de la foi. On peut aussi mentionner, lorsqu'on parle de la foi, que le fait que la foi monte ou descend. Al-Iman yazidu bita'a wa yanqus bi al-ma'siyah. Yazidu bita'a wa yanqus bi al-ma'siyah. Donc on peut très bien aussi mentionner rien que le fait que la foi monte de par l'obéissance et descend ou bien diminue de par la désobéissance. On peut aussi mentionner, lorsqu'on parle de la foi, ces parties ou ces degrés, shu'ab al-iman, bid'un wa sittun ou bien bid'un wa sab'un, donc entre 63 et 69 ou entre 73 et 79, car la foi possède, c'est-à-dire autant de degrés. Donc, mais j'ai choisi par rapport à cela de vous parler de certains versets de la foi. Donc je vais mentionner certains versets qui parlent et qui nous expliquent la foi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitab la rayba fih. Huda lil-muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc il dit سبحانه وتعالى dans cette traduction rapprochée Alif Lam Mim. Voilà, sans nul doute, le livre, une bonne voie pour les gens pieux, qui croient en l'inconnu, pratiquent scrupuleusement la prière et dépensent de ce que nous leur avons ordonné. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu ou révélé, et ce qui a été descendu avant toi, et qui croient avec conviction à l'autre monde, ceux-là sont sur une bonne voie de leur Seigneur ou de leur part de leur Seigneur et leur Maître, et ce sont ceux-là qui ont récolté le succès. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il commence le début de ce livre, donc il le montre bien dans le début de Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Donc certes, un livre, nul doute sur ce livre, une guidée pour ceux qui craignent Al-Muttaqin, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'y va donc montrer les caractéristiques de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première de celles-ci, c'est Alladina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible, ceux qui croient en l'inconnu. Ceux qui croient en l'inconnu. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmallah, vis-à-vis de ce verset, dit que la croyance en l'invisible, C'est l'origine de la croyance. Aslul iman. L'origine de la croyance se retrouve dans justement ce verset-là. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Et c'est un moteur. C'est ce qui va te propulser à quoi ? À œuvrer comme il le faut. Lorsqu'on voit que juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yuqimuna as-salah. Et ils accomplissent la prière de la meilleure façon. Et iqamatu as-salah, c'est-à-dire de prier en groupe, c'est-à-dire de prier à l'heure, et de prier comme a prié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir l'amour de sa prière dans le cœur. Donc cela est venu après le fait de croire en l'invisible, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres et autres. Et ça va te pousser, ça va t'amener à quoi ? À justement être une personne qui va adorer de la meilleure façon. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Toujours parmi les sifat et les qualités et les caractéristiques des croyants, c'est que nous donnons, hein, ou ils donnent de ce que nous leur avons octroyé. La zakat et les aumônes qui sont surérogatoires. Donc là, on a affaire à la prière et à la zakat. Les deux adorations qui sont énormément mentionnées et liées ensemble dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ. Car elles ont un lien. Elles ont un lien. La salat et la zakat ont un lien. Et le lien, ou parmi les liens, c'est que la prière, c'est la meilleure œuvre que tu puisses faire. C'est-à-dire, vis-à-vis de la relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et la zakat, c'est la meilleure œuvre que tu puisses faire vis-à-vis des relations personnelles entre toi et autrui, entre toi et l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets que lorsque les gens sont en prosternation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent de ses bienfaits. Ils demandent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et généralement, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on les a ? On les achète. De façon générale, on les achète. Par. Et donc le lien vient avec quoi ? Avec la zakat. Parce que la zakat, c'est quoi ? C'est une partie de tes bienfaits que tu donnes. Donc tu demandes de l'argent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne de la subsistance. Et parmi cette subsistance, tu vas donner de la zakat. Il y a un lien entre l'argent et la prière. Il y a un lien entre la subsistance et la prière. Et aussi, donc non seulement ces croyants, ils croient en l'invisible, mais aussi ils croient bien sûr à ce qui est venu auparavant. Donc à ce qui a été descendu sur toi, ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui a été descendu aussi avant toi, car c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne dans ce Coran, la sunna authentique, de ce qu'il y a eu auparavant. L'akhbar, min al-umam al-sabiqa, donc les annonces des peuples qui sont venus avant nous, des peuples qui étaient venus avant nous. Donc ils croient à ça, et aussi ils croient à quoi ? Qu'ils vont revenir vers Allah Azza wa Jal. Ils croient au jour dernier, avec tout ce que l'on voit dans le jour dernier, le rassemblement, la terre qui est plate, la venue d'Allah Azza wa Jal avec les anges, le soleil qui se rapproche, toutes ces actes qui viennent, donc ce sont une multitude de situations différentes. Allah Azza wa Jal vient avec les anges, donc on voit cette chaleur, l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le haud, le fait de pouvoir boire de cette eau dans le bassin, les contes, le sirat et le fait de rentrer au paradis ou en enfer, toutes ces choses-là, toutes les choses qui sont la mizan et la khélé, donc toutes ces choses-là font partie en vérité de quoi ? Du jour dernier. Et awwal manzil min manazil al-akhirah, c'est quoi ? C'est al-maut. La première demeure parmi les demeures de l'au-delà, c'est la mort. Et c'est exactement le hadith que vous a mentionné l'Akh Abbas dans sa khutbah al-Jumu'ah pour ceux qui y étaient. Parce qu'il a bien dit que l'abd, le mu'min, lorsqu'il délaisse, il a kanafi inqita' min ad-dunya wa al-iqbal ila al-akhirah. Il coupe wa al-iqbal ila al-akhirah. Donc il va vers. Donc il a coupé sa vie d'ici-bas, inqita', une vie qui a été coupée, qui a été terminée. Et là, il va vers l'au-delà. Et ça, déjà, c'est une preuve qu'il y a déjà une différence entre l'au-delà et la vie d'ici-bas, ne serait-ce que par le temps. Donc, il y a un iqbal. Qu'est-ce qu'il dit ici dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Le hadith Bara ibn Azib, il dit bien Iqbal. Donc le fait d'annoncer vers quoi? Il a l'akhira, vers l'au-delà. Donc c'est la mort. Il meurt lorsque l'ange vient lui prendre son âme. C'est le début de son au-delà. C'est le début de son au-delà. Et le résultat de ces croyants, c'est que lorsqu'ils sont comme ça, ils croient. Regardez la croyance, qu'est-ce qu'elle fait de eux? Elle les amène à quoi? Ils sont donc bien guidés. Et en plus, ils récoltent le succès. Ils sont les bien guidés dans la vie d'ici-là. Et ils vont récolter le succès qui sera bien sûr dans cet au-delà. Ils vont récolter le succès qui sont dans l'au-delà. Et aussi, parmi les preuves que la croyance en l'invisible fait partie des origines de la croyance, c'est que le hadith de Jibril, lorsque Abdullah ibn Omar annonce, il explique aux deux personnes qui sont venues le voir dans la mosquée, un qui se place à sa droite, l'autre qui se place à sa gauche, pour lui dire, il y a des gens, yaqra'un al-Qur'an, wa yata'allamunahu ila al-nihaya, yata'allamun al-ilm ila al-nihaya. Et ils apprennent la science de façon forte, donc ce sont les tolab al-ilm, des gens de science. Mais simplement, il y a un problème chez eux. Un seul problème, ils connaissent le Coran. Ils apprennent la science, ils connaissent la science, mais ils ont un problème. Ils disent « al-amru unuf ». C'est-à-dire qu'ils veulent dire « wala qadr ». Ils veulent dire comme quoi Allah Azza wa Jal ne connaît pas le destin qu'une fois que la personne a fait la chose. Ils veulent dire que Allah ne connaît pas ce qui va advenir. Allah connaît tout, mais que ce qui a été passé, ce qui vient au présent. Donc ce que tu vas faire dans 20 minutes, Allah ne le sait pas, ils disent. Et là, Abdullah ibn Omar montre l'importance de la croyance à quoi? Au destin. De la croyance au destin. Et aussi le fait que Allah Azza wa Jal connaisse ce destin. Et il le dit bien. Il leur dit bien que annonce-leur qu'il est innocent d'eux et qu'ils ne sont pas croyants tant qu'ils ne croient, qu'ils ne vont pas croire à ce destin. Donc d'où l'importance en vérité, en réalité, de quoi? De tout ce qui a été annoncé de la part d'Allah Azza wa Jal ou de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours, là où on peut profiter vis-à-vis de ce hadith, bien sûr, c'est que l'Iman, lorsqu'on parle de l'Iman, et qu'il est en vérité annoncé seul dans un contexte, on parle de l'islam complet. Et lorsqu'il est annoncé avec l'islam, on comprend que l'Iman, c'est l'Amal al-Batina. Ce sont les actes qui sont cachés. Et l'islam, ce sont les actes qui sont apparents. Donc d'où les piliers d'islam et autres. Et si on parle de l'islam seul, donc il sera, bien sûr, général, l'Iman entre dans l'islam. S'ils sont réunis, ils sont séparés. Et s'ils sont séparés, ils sont réunis. Tout simplement. Aussi, la foi en l'invisible, bien sûr, elle est plus forte que le fait de croire à ce qu'on a vu. Le fait de croire à ce qu'on a vu. Lorsqu'on voit que le juif, on dit à Moussa, alayhi salatu wassalam, et on est toujours dans Surat al-Baqara, « Wa ithroltum ya Moussa, la nukmina laka hatta narallaha jahalata, fa akhadathum sa'iqatu wa antum tanzurun. » Et lorsque vous dites, ô Moïse, jamais nous te croirons jusqu'à ce que nous voyons Dieu d'une façon évidente, vous fûtes alors frappé de la foudre à votre propre vue. Ils ont demandé de croire, mais ils ont voulu que cette croyance elle soit donc précédée d'une preuve. Ça ne fait pas partie de l'origine de la foi. Ils ont demandé quelque chose qui est contraire au mérite de recevoir justement le nom de croyant. Il faut un mérite pour pouvoir recevoir ce nom de croyance et de croire à ce qui n'est pas vu, de croire à ce qui est invisible. Mais eux, non. Ils veulent croire à ce qui va être vu. À ce moment-là, il n'y a plus de mérite d'être croyant. Parce qu'on a vu, c'est en face. Donc il y a une différence entre le fait de croire en l'invisible, bien sûr, et le fait de croire en ce qu'on aura vu. Et ces gens-là, par cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés de la foudre. Directement. Alors, propre vue. Hein, directement. Car Allah subhanahu wa ta'ala châtie directement ceux qui demandent, bien ceux qui font justement de graves péchés, ceux qui ont commettent de graves péchés. Et si ces châtiments de cette façon ne sont plus venus, c'est le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Donc c'est par miséricorde au fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu qu'il est terminé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire quoi? Va châtier des peuples entiers comme il châtiait les peuples auparavant. Et ça c'est une baraka de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été émanée bien sûr de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on ne retrouve plus ce châtiment depuis qu'il est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez les châtiments qui sont immédiats et qui sont lourds de conséquences. Et qui sont lourds aussi de conséquences. Et toujours dans Sourate Al-Baqara, car on retrouve énormément en vérité de versets qui mentionnent la foi. Inna alladhina amanu bi ayyuha alladhina amanu. Et puis, la kutiba alaykum as-siyam, kutiba alaykum al-qisas fi al-qatl ila akhirih. Énormément de versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit ô ceux qui ont cru dans Sourate Al-Baqara. Et c'est normal, car c'est une sourate qui nous explique énormément d'œuvres, qui nous explique énormément, ne serait-ce que les piliers, on les retrouve. On retrouve la prière, on retrouve le jeûne, on retrouve la zakat, on retrouve le hajj, on retrouve le mariage, on retrouve le divorce, on retrouve énormément d'actes, énormément de lois religieuses dans cette sourate. Donc cette loi, bien sûr, elle est donc automatiquement, elle est descendue pour qui? Ces lois sont descendues pour qui? Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Donc prêtez attention lorsque vous entendez ça. Car justement, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il nous parle. Et les compagnons du prophète, ridwanullah alayhim, considéraient le message d'Allah subhanahu wa ta'ala comme une lettre personnelle, comme un courrier personnel qui vient chez toi. Une lettre commandée ou comme tu veux. Mais c'est quelque chose qui est rentré chez toi, une lettre personnelle. Et qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois une lettre personnelle? Tu la lis convenablement. Tu la lis avec justement attention. Et c'est comme ça que les compagnons du prophète et les plus prédécesseurs voyaient. Que c'est comme si c'était quoi? Un khitab khas. C'est spécial pour moi. Donc ils y prêtent attention. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur regarde totalement. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Inna alladina amanu, wa alladina hadu, wa nasara, wa sabi'ina, man amana billahi wa bil yawmil akhir, wa amila saliha, falahum ajruhum inda rabbihim, wa la khawfun alayhim, wa lahum yahzanun. Ceux qui ont cru et ceux qui sont revenus au droit chemin avec Moussa, avec Moïse, les chrétiens et les sabéens, donc ceux qui étaient avec Idriss et puis ils les ont quittés pour les étoiles, pour adorer les étoiles, ceux qui ont cru à Dieu et au jour dernier et œuvré dans le bien ont leur récompense auprès de leur Seigneur, nulle crainte à leur sujet et ils ne ressentent eux-mêmes aucun chagrin. Donc on voit ici dans ce verset qu'il y a un lien étroit entre la foi et l'acte. Il y a un lien indissociable entre la foi et l'acte. Et ça, en vérité, c'est l'explication de l'Iman. Le fait que l'Iman, c'est quoi? L'Atiqad. Qawl wa amal. Donc la foi, elle va être définie dans le dogme, dans ce que tu as comme conviction, ce qui est à l'intérieur de toi. Et l'acte et la parole. La parole et l'acte. Et cette foi, comme on l'a dit auparavant, elle monte, elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Elle monte au point qu'elle arrive au niveau des montagnes et elle diminue au point qu'il n'y reste rien du tout. Au point qu'elle disparaît totalement. Et parmi les cours qui ont été donnés auparavant, de notre frère Abouzaïd ou quoi, donc ce sont justement des Armel qu'on voit chez Tania, par exemple, justement, qui viendrait à faire diminuer, même faire perdre cette foi, car la personne sort de sa religion. Par exemple, à titre d'exemple. Donc on voit ici le lien indissociable lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier et ont œuvré de bonne façon. Ils ont œuvré, ils ont fait donc, zukum, donc ils ont fait ces actes qui sont pieux. Ils auront leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que la récompense, elle vient après. La vraie récompense, celle qui est au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une récompense dans la vie d'ici-bas. Laquelle? Le fait d'être paisible avec lui-même. Il a créé le fait de lui faire augmenter la foi dans la vie d'ici-bas. Le fait de lui donner de la lumière. Mais la vraie récompense, elle est où? Elle est vraiment dans l'au-delà. Et nulle peur pour eux. Nulle crainte pour eux et quoi aussi? Et nulle tristesse. Et la crainte, c'est de ce qui quoi? De ce qui va advenir. La tristesse, c'est de ce qui a été passé. Donc on a peur. Des fois les gens ont peur de ce qui pourrait advenir. Et les gens ont été tristes de ce qu'ils auraient peut-être commis comme mauvaise œuvre auparavant. Et sachez que si la personne donc, s'est réunie en lui-même, donc on va être réuni dans son corps, en lui-même, la peur et la tristesse, il ne peut pas vivre normalement. Et en ce moment-là, il n'y a pas besoin de cercle, il n'y a pas besoin de ceci, c'est comme on dit, l'hôpital psychiatrique. Celui qui vit avec la peur et la tristesse, donc en vérité, il le vit très mal. Et c'est pour ça qu'Allah souvent, il le cite, « La khawfun alayhi wa lahum ihzanun » dans énormément de versets. Il retire de quoi? Du cœur de ces croyants-là, justement, ces deux caractéristiques qui sont en vérité, si elles sont sur l'un d'entre nous, on n'arrivera pas à vivre normalement. On ne va pas réussir à vivre de façon convenable. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Surah Al-Baqarah, lorsqu'il mentionne la foi, il dit أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Donc voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, avez-vous donc quelque ferme espoir de les amener à croire alors qu'un groupe des leurs écoutait le verbe de Dieu pour les déformer par la suite après l'avoir bien compris et en connaissance de cause. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment les gens peuvent perdre leur foi. Comment les gens en vérité peuvent perdre leur foi. Donc ici, un groupe, parmi ce groupe de Bani Israël, des enfants d'Israël, écoute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'assied, font les efforts, ils apprennent la science religieuse, ils écoutent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la parole, c'est bien le Coran, c'est bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le Coran ou bien les livres qui étaient venus auparavant, ils étaient bien donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ils l'altèrent, ils changent les sens, vont enlever des lettres, vont enlever des mots, vont trafiquer ou bien ils vont rajouter. Hein, parce que le tahrif, donc, le fait d'altérer, c'est ou par le sens ou par le mot lui-même. On y rajoute des lettres, on y enlève, ou on l'efface, ou on rajoute des mots totalement. Où on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire ça. Alors ces gens-là, ce sont des gens de science. Ce sont des gens de quoi? De science. Et chaque peuple a toujours un héritier. Les gens de la bid'a, donc les innovateurs de notre communauté, sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils changent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de voir Al-Jahmiya, ou bien Al-Mu'tazila, ou bien Al-Asha'ira, les soufis ou autres, tous. Alors sans compter, bien sûr, sans passer par les rawafid qui sont bien sûr les pires d'entre eux, qui sont en vérité les pires d'entre eux. Mais tous, sans exception, vont ou altérer le sens, changer, diminuer, rajouter, ou nous dire que cette phrase-là ou ce verset-là ou autre n'a aucun sens du tout. Donc tout ça, c'est du tahrif. Donc en vérité, ils ont bien sûr des prédécesseurs. Voici les prédécesseurs des gens en vérité de l'innovation. Au lieu de revenir en vérité aux prédécesseurs qu'ils sont demandés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les suivent à la perfection parmi les compagnons, les tabi'in et les autres. Donc ils ont changé. Après qu'ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Voilà, c'est le cœur. Ils ont accepté ces versets au départ. Mais il a été où ce verset? Ces versets sont entrés dans un récipient qui est mauvais à l'origine. Donc, les bonnes choses ont été changées, altérées avec ce qui a été mauvais. Et voilà qu'est-ce qui sort après de leur bouche. Voilà en vérité ce qui sort de leur bouche. Et ils savent. Ils savent pertinemment qu'ils mentent. C'est même pas, ils se mentent à eux-mêmes. Ils savent en vérité pertinemment car ils ont de la science. Ils ont de la science et ils mentent vis-à-vis de cela. Et ça, c'est une preuve en vérité que le tahrif, c'est un manque de quoi? De foi. Donc là, on va ressortir comme bénéfice de ce verset que le fait d'altérer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire, c'est un quoi? C'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Et aussi toujours dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et lorsqu'on leur dit: croyez à ce que Dieu a fait descendre, ils disent: nous croyons à ce qui a été descendu sur nous. Et il renie ce qui est venu après lui, alors que c'est la vérité, confirmant ce qui est avec eux. Dit: pourquoi tuez-vous alors les prophètes de Dieu auparavant si vous étiez croyants? Si vous étiez en vérité donc croyants. Et aussi ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'on doit croire à ce qui a été descendu. Donc, et aussi ce qui, donc, qui a été descendu actuellement et auparavant. Et pour le peuple de Bani Israël, c'est ce qui a été descendu actuellement pour eux et pour ce qui est venu après, donc le Coran. Donc le Coran, ils doivent croire. Donc, c'est pour ça. Et eux, non, bien sûr, ils ont quoi? Ils ont mécru. Ils ont mécru. Et le dernier verset qu'a cité le frère Abouzaï tout à l'heure, par rapport à dans Sourate Al-Baqarah, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه. Après il dit bien: la nufarriku baina ahad min rusuli. Il n'y a pas de tafriq, il n'y a pas de différence entre les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous émanent de la part de leur Seigneur. La différence c'est par rapport au shara'i', la différence c'est par rapport en vérité aux rites religieux et aux lois religieuses qui sont bien sûr la différence. Mais ils sont tous frères, ils sont tous en vérité donc comme demi-frères. Le même père et pas la même mère. C'est-à-dire c'est le même unicité, c'est le même tawhid, mais simplement shara'i' mukhtalifa. Les rites sont différents. Les façons de prier ou les façons de jeûner, des choses qui étaient obligatoires chez d'autres peuples ont été abolies chez nous. Des choses qui sont chez nous n'existaient pas chez eux. Et c'est comme cela. Donc là, on voit que ces gens-là, bien sûr, ont renié. Et celui qui vient à renier un livre des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas croyant. Il sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne croit pas. Ils se prétendent dans ce verset. Donc ils se prétendent croyants. Car ils disent: on croit en ce qui nous a été révélé. Donc ils se prétendent croyants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les réprimande. Donc en vérité, yu'ibuhum. Il les réprimande de quelle façon? En disant, en leur montrant la pire des choses qu'ils font. Alors pourquoi vous tuez les envoyés d'Allah si vous êtes réellement véridiques, réellement croyants? Si vous êtes réellement croyants, alors pourquoi en vérité vous tuez Allah subhanahu wa ta'ala? Donc dis bien, dis-leur. Alors pourquoi vous tuez des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'un croyant tue un envoyé d'Allah? Est-ce qu'un croyant va tuer? Car sachez qu'il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus après Moussa et qui continuaient à juger avec la loi de la Torah. Et ces gens-là, bien sûr, tuaient ces envoyés-là. Ces gens-là ont tué certains de ces gens-là envoyés-là. Ou bien ils ont été combattus, ou certains d'entre eux sont morts. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés de la pire des choses. Le fait de combattre un envoyé pour le tuer. Il n'y a pas pire ennemi que celui-là. Que justement, que d'être comme cela. Et aussi toujours dans Sourate Al-Baqarah vis-à-vis de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadu wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami' al-basir sami' al-alim wa huwa as-sami' al-alim. Donc il dit subhanahu wa ta'ala: et s'ils ont adopté la même croyance que vous, ils se sont mis donc effectivement sur la bonne voie. Et s'ils ont fait volte-face, s'ils se sont détournés, ils ne sont que dans une dissidence. C'est-à-dire que shiqaq, c'est la dissidence, le fait en vérité de se séparer et de s'écarter en vérité des gens du bien. Donc le fait d'être en divergence avec cela. Et ce verset va mentionner que celui qui a la foi comme qui, lorsqu'il dit s'il croit comme vous croyez, Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala descend ces versets-là, qui sont vivants à cette époque? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, ça, Abu Huraira, tous ces compagnons-là, ce sont eux qui sont là. Hein? Ibn Omar, Ibn Mas'ud et d'autres. Et d'autres. Donc ce sont eux. C'est-à-dire, si vous croyez, donc s'ils croient comme vous vous croyez aux compagnons du prophète, hein, comme vous vous croyez aux gens qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, commençons par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils seront les bien guidés. Ça, c'est une preuve. On ne peut pas sortir de ça. C'est une preuve irréfutable. Comme quoi, il est obligatoire pour nous de savoir comment était la foi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'obtenir hein, et de se conformer à cette foi qu'ils ont obtenue. Quelle est la foi? Décris-moi la foi. Donc va voir en vérité les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voir comment ils étaient. Lorsqu'un ordre est descendu, lorsque une interdiction aussi descend et autres, comment ils étaient avec leurs voisins, tout, comment ils respectaient leur famille, comment ceci, comment cela. Et là, à ce moment-là, on comprendra ce que veut dire en vérité la guider. Et s'ils se détournent, donc ils sont fichirak, ils sont en vérité en dissidence. Hein, donc ils sont en vérité en dissidence. Et Allah te suffit d'eux. Allah te suffit d'eux. Et il est bien sûr donc l'audient et le savant. Il te suffit d'eux. Et là, on voit qu'il y a un verset qui ressemble. وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit bien et celui qui fait dissidence avec le prophète alors que la guidée lui a été montrée clairement, il ne suit pas la voie des croyants. Et encore une fois, qui étaient les croyants à cette époque? Qui sont les croyants qui sont mentionnés dans ce verset? C'est encore une fois aussi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici un exemple de quelle foi on doit obtenir. C'est la foi des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou essayer de leur ressembler. Un autre verset qui est très important et qui est dans Sourate Al-Baqarah, toujours, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner Al-Bir, la bienfaisance, l'obéissance. Donc Al-Bir, on sait bien que c'est un ismoun, jami'un, l'a'amal al-tayyiba, al-saliha. C'est un nom en vérité qui va englober énormément d'actes. Al-Bir, la bienfaisance, l'obéissance. C'est un mot qui est large. Hein, et qui donc, même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Bir hasn al-khuluq, mais s'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc la piété ou bien l'obéissance, c'est, ou la bienfaisance, c'est le bon comportement. Mais en vérité, c'est envers tout. C'est en vérité l'obéissance qui reste générale. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset qui est en plus au milieu de la Sourate Al-Baqarah, qui en vérité au milieu de la Sourate Al-Baqarah, et qui en vérité va mentionner énormément d'adoration ou d'actes d'adoration que l'on retrouve, et de loi que l'on retrouve dans toute cette sourate. Et c'est pourtant le verset qui est au milieu de la Sourate Al-Baqarah. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin birra man amana billah wal-yawm al-akhir wal-mala'ika wal-kitab wan-nabiyyin wa ata al-mala 'ala hubbihi dhawi al-qurba wal-yatama wal-masakin wabn as-sabil was-sa'ilin wa fi ar-riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal-mufun bi'ahdihim idha 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, l'obéissance à Dieu et la bienfaisance, donc ici l'on traduit dans obéissance et bienfaisance, ne consiste pas à s'orienter en direction de l'est ou de l'ouest, mais ce sont le fait de celui qui a cru à Dieu au jour dernier, aux anges, au livre, donc au singulier, le Coran, et au prophète, qui a donné l'argent, malgré son amour pour lui, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, à l'étranger de passage, aux mendiants, et pour affranchir les esclaves ou racheter des prisonniers, qui a accompli correctement la prière et qui a donné l'aumône légale. Ce sont le fait de ceux qui tiennent leurs engagements lorsqu'ils s'engagent et qui se montrent patients dans la maladie, le malheur ou au plus fort du combat. Ce sont ceux qui, là, qui ont été sincères, et ce sont ceux-là, les gens pieux. Donc bien sûr, donc j'ai dit auparavant que ce verset en vérité englobe énormément de rites religieux et de comportements que le musulman doit adopter. Lorsqu'il dit donc l'obéissance à Allah et la bienfaisance ne consiste pas le fait juste de prier, sans savoir pourquoi tu pries en vérité, sans savoir pourquoi tu fais ce soir. C'est pas bimodjara de salat, c'est pas le fait que tu pries tout simplement, mais c'est le fait de quoi? De croire à qui? En Allah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par l'origine de la croyance, encore une fois, parce qu'il a parlé de quoi? Alladina yu'minuna bil ghaib ici. Donc al-iman billah, croire en Allah. Et c'est la meilleure des croyances. De croire en Allah vis-à-vis donc de sa seigneurie, vis-à-vis de sa divinité et vis-à-vis de ce nom et de ses attributs, vis-à-vis de ses noms et de ses attributs. Celui qui veut connaître Allah, il faut qu'il connaisse bien ces trois points-là. Et parmi bien sûr les points, le point le plus important de ces trois points, c'est bien l'asma wa sifat, ce sont bien les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la science la plus noble, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Croire en Allah et au jour dernier. Et encore une fois, Allah, il associe aussi énormément la croyance en Allah et au jour dernier. Car tu vas revenir en Allah, ça c'est le dernier point qui te reste. C'est le dernier résultat. C'est que tu vas te retrouver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois en Allah et tu vas retourner vers lui. C'est pour ça qu'il y a cette corrélation entre Allah et le jour dernier, et les anges, et le livre, et les envoyés, et le livre, donc le Coran. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit les livres, il a dit le Coran? Car si tu crois au Coran, tu vas automatiquement croire à tout ce qu'il y a dans les livres. Car le Coran a mentionné les autres livres. C'est pour ça que le fait de croire au Coran, totalement, c'est de croire à tout ce qui est venu auparavant. Car le Coran nous amène, il nous oblige de croire aux autres livres. C'est pour ça qu'ici, c'est mentionné au singulier. Si tu crois réellement au Coran, tu crois réellement à ce qui est venu, en vérité, avant toi, tout simplement. Et Allah subhanahu wa ta'ala passe, donc, directement ici, à quoi? Au comportement. Il a commencé avec l'a'mal, l'qalbiya, donc la croyance, qui est en vérité à l'intérieur de toi-même, qui est en vérité aussi la croyance en l'invisible. C'est de quoi? De donner de ton argent. De donner de ton argent, alors que tu l'aimes. À qui d'abord? D'abord à tes proches, commence par eux. Commence par tes proches. Tu seras injuste si tu es généreux avec tout le monde, mais pas avec ta famille. Il y a une certaine injustice. Tu as commencé par le deuxième degré et tu as délaissé en vérité le premier degré, qui est le plus important. Et qui après cela, ce sont les orphelins et les pauvres et ceux qui sont de passage, qui sont de passage et qui ont besoin d'argent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré qu'est-ce que la bienfaisance, c'est d'être bon. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quelle est en vérité la meilleure façon d'être bon, c'est de donner des biens. C'est de donner des biens envers les gens. La preuve, c'est que la zakat, c'est aussi, comme on l'a dit auparavant, que c'est le meilleur acte que tu puisses faire entre toi et ton ami, entre toi et ton frère, entre toi et autrui. C'est le meilleur acte qui est en vérité, c'est-à-dire de l'homme vis-à-vis à l'homme, hein, donc d'homme à homme. Le meilleur acte relationnel, c'est la zakat. C'est de l'argent, c'est des biens. Et là aussi, Allah, justement, il mentionne que la meilleure chose que tu puisses faire vis-à-vis de quelqu'un, c'est de lui donner. Parce que tu vas lui enlever énormément de quoi? De difficultés. Lorsque tu lui as donné, en vérité, un peu de ton argent. Tu lui enlèves énormément de difficultés. Tu vas entrer dans son cœur la joie et la khédéhi. Donc il va quoi? Il va t'aimer. Les musulmans vont s'aimer de cette façon-là. Le riche se rapproche du pauvre parce qu'il pense à ça, il pense à la pauvreté. Et le pauvre ne va pas dénigrer le riche. Ne va pas dénigrer, en vérité, le riche. Regardez maintenant. Comment, en général, les gens, surtout les pauvres, insultent les riches? Ou les pays pauvres, comment ils insultent les pays riches? Même chez les musulmans, pourquoi? Parce que des fois, il y a peut-être un khalal. Il y a sûrement un khalal vis-à-vis de la zakat. Ça ne serait pas étonnant. Ça ne serait pas étonnant qu'il y ait justement ce problème vis-à-vis de ces dons. Ala hubbihi, Allah a dit. Car on l'aime. Donc ce n'est pas un mal d'aimer l'argent. Le mal, c'est quoi? C'est de le garder jalousement. Ce n'est pas un mal, parce que c'est naturel d'aimer l'argent. Allah dit ça. Il parle de qui? Il parle de l'homme. Certainement vous aimez l'argent d'un amour ardent, d'un amour très fort. C'est Allah qui nous montre comment on est. Voilà comment on est, Abdallah. Ah non, moi j'aime pas l'argent. Ça, donc tu feras partie des caracs si c'est vrai. Ou bien c'est pas vrai. Ou bien c'est peut-être en vérité que tu penses comme ça, mais c'est pas vrai. On aime avoir des biens. On aime ceci. Mais simplement, on doit donner. On doit donner. C'est un grand mérite d'aimer et de donner. C'est un plus grand mérite que le fait d'en vérité de ne pas aimer et donner. Parce que tu donnes quelque chose que tu aimes. Et ça fait partie de quoi? De goûter réellement la foi. Ça fait aussi partie de goûter réellement la foi. Et aussi donc de bien sûr donc d'aider comme on a dit les pauvres. Al-yatama. Allah subhanahu wa ta'ala, juste après la famille commence par les orphelins. Les orphelins. Et on a déjà vu. Voilà tahudduna 'ala ta'am al-miskin. Le fait de parler al-yatama wal-masakin Allah subhanahu wa ta'ala. Ici aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous réprimande lorsqu'il parle de cela. Il nous dit pas simplement donner aux pauvres. Il nous réprimande de dire aux frères donne aux pauvres. Le fait de ne pas dire ça, aux frères donne aux pauvres. Donc c'est plus fort, c'est ablar. Ça va être plus fort que le fait de donner toi-même. C'est-à-dire que le fait que tu dises pas à ton frère, aux frères, donne aux pauvres, donne aux orphelins, bah Allah n'aime pas ça. Alors que dire que si tu donnes pas toi-même? Voyez un petit peu la nuance. Vous avez compris la nuance? Alors il dit bien, vous n'incitez pas les gens à dire aux gens de donner. Vous n'incitez pas les gens à donner. Vous n'incitez pas les gens à donner. Voilà ce qu'Allah dit. Vous n'incitez pas les gens à donner. Mais pourtant, Allah n'a pas dit, vous ne donnez pas aux pauvres. Vous n'incitez pas. C'est-à-dire que tu vas inciter de deux façons. Par ton acte, donc les gens ils vont devoir peut-être faire. Et à ce moment-là, ce sera possible de le faire devant les gens. Donc ça ne sera peut-être pas du RIA, parce que toi, ta NIA, c'est que les gens fassent comme toi. C'est permis. Si c'est cette solution-là, c'est permis. Parce qu'il y a un bienfait derrière. Ou tu dis aux gens de donner, afin justement de se recommander le bien, et les gens ils vont donner. Donc Allah il nous dit pas juste donner, mais il nous demande aussi de quoi? De dire aux gens de donner. De dire à quoi en vérité aux gens de donner. Et toutes ces choses-là en vérité font partie de la foi. Font partie de la foi. Et c'est des points qui sont très très très importants. C'est des points en vérité qui sont très importants et souvent on passe à côté de cela. Donc on miséreux à l'étranger de passage, aux mendiants et pour affranchir les esclaves, les rachetés prisonniers, qui a accompli correctement la prière. Donc là maintenant on a affaire aux actes religieuses et qui a donné l'aumône légale. Encore une fois la relation entre As-Salat et As-Zakat. Entre As-Salat et quoi? Et As-Zakat. Ce sont donc le fait de ceux qui tiennent leur engagement. Et là aussi on a affaire maintenant à quoi? En vérité à des actes qui sont en vérité donc de parole, qalbi, des relations. C'est-à-dire les relations qui sont entre toi et autrui. Comment es-tu? Tu tiens tes promesses? Tu tiens tes engagements, hein? Et ils se montrent patients. Ils ont justement donc cette qualité d'être patient, car Allah subhanahu wa ta'ala donne énormément aux patients sans compter. Allah donne aux patients sans compter. La patience, elle a énormément de vertus. Elle a énormément de vertus. Regardez, dans la maladie, dans le malheur, et au plus fort du combat, et au plus fort du combat, même si on devrait mourir, mathalem. Donc dans la maladie. Lorsque la personne tombe malade, et l'Akhabouzaïd, il a bien expliqué tout à l'heure que c'est pas parce qu'on a quelque chose que directement c'est le devin ou quoi, et qu'il faut bien sûr revenir à Allah. Donc c'est ça la patience de la maladie. Savoir que c'est Allah, c'est Jal qui guérit. Il a mentionné les doigts. Et le malheur, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala viendrait à nous enlever maintenant un membre de la famille, ou une perte d'argent ou autre, c'est en vérité de quoi? De patienter. Je sentais-t-il ou là? De patienter justement dès le début de l'épreuve. Le vrai patient, c'est celui qui patiente dès le début de l'épreuve. Et il a énormément de récompenses. Vous connaissez la maison qui s'appelle Bayt al-Hamd, la maison de la louange qui est au paradis. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, vous avez pris l'enfant de mon serviteur. Les anges ont dit oui, ou Allah. Allah a dit, vous avez pris les fruits de son cœur, le fruit de son cœur. Samarata fu'adihi. Donc le fruit de son cœur. Car le père ou la mère aime fortement cet enfant qui est mort, quand il est mort en bas âge. C'est le fruit de son cœur pour eux. Ils ont dit, oui, oh Allah. Et qu'a dit mon serviteur? Les anges ont dit, istarja'ak. Donc istarja'ak. C'est-à-dire, il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et qu'a-t-il dit encore? Il a dit, wa hamidak. Il a dit, alhamdulillahi ala kulli hal. Donc il lui a dit, bâtissez-lui une demeure au paradis qui s'appelle, et appelez-la la demeure de la louange. Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas en vérité avoir une demeure de cette louange? Et comme le dit Cheikh Abdelrazak al-Abbad vis-à-vis de ce genre de verset, ou de hadith plutôt, il dit qu'en vérité, celui qui a ce genre d'épreuve, c'est qu'une ni'ma pour lui, c'est pas un malheur, mais c'est un grand bien, c'est un bienfait. À voir que des pieux prédécesseurs ont voulu faire partie de ces gens-là. Il suffit de quoi? De patienter, et Allah subhanahu wa ta'ala te promet une demeure au paradis qui s'appelle la demeure de la louange. Donc voyez un peu comment en vérité sont les croyants. Ce sont les croyants qui ont bien sûr la voix qui va être forte. Et lorsqu'il termine ce verset avec cela, il dit bien, donc ce sont là ceux qui ont été sincères. Donc, on va toujours, bien sûr, hein, au pilier qui pourra jamais séparer les gens, la sincérité dans tous nos actes, qu'ils soient en vérité. Donc la sincérité dans notre cœur, la sincérité dans nos actes, dans nos paroles. Tout ce qu'on voit ici, bien sûr, tout cela doit être accompagné de cette en vérité sincérité. Ce sont eux qui, les gens pieux, les gens pieux, et on retrouve quoi ? La relation entre ce verset et le premier verset. Ça, pieux, donc les gens qui étaient pieux, donc c'est une guidée pour qui ? Pour les gens pieux. Et ce verset a une relation qui est forte en vérité avec le verset qui est dans Sourate al-Baqara. Et après, Allah a commencé justement par la croyance lorsqu'il mentionne qui sont les pieux. Ce sont ceux qui croient en l'invisible. Ce sont ceux qui croient en l'invisible et autres. Et autres. Et aussi, donc on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il mentionne les points importants de l'islam, il dit Ya ayyuhal ladina amanu. Plusieurs fois il l'a fait. Et spécialement dans cette sourate. Et il le dit encore Ya ayyuhal ladina amanu. Ô ceux qui ont cru, entrez donc dans l'islam, on va dire sim, c'est dans la paix, dans l'islam. C'est-à-dire, avec d'une entrée qui est forte, donc on va dire entrer pleinement et sans réserve. C'est-à-dire accepter tout de cette religion. Accepter tout de cette religion. Les obligations, les sunnas, sauvez-vous donc des interdictions, éloignez-vous de ce qui est détestable. Donc c'est ça kafa. On ne va pas dire. Ce hadith, c'est pas un hadith que l'on peut appliquer à cette époque. Alors on va le rejeter. On va rejeter le siwak. On va rejeter des points soi-disant qui seraient anodins chez les gens, aux yeux des gens. Et en vérité, ils sont quoi ? Ils sont énormes aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont importants aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de mas'ala qui est petite dans l'islam. On questionne l'imam Malik en lui disant j'ai une petite question. Et ça, c'est les erreurs que beaucoup de frères font. Ils viennent te voir et te disent, j'ai une petite question. Il n'y a pas de petite question. L'imam Malik a dit à ces personnes-là, comment une petite question, n'as-tu pas entendu avoir dit, Inna sanulka alayka qawlan thaqila, certes nous allons descendre sur toi une parole lourde de conséquences. Lorsque tu penses que tout est anodin, qu'est-ce que tu fais ? Tu survoles le sujet. Lorsque pour toi c'est quelque chose qui est très important, tu fais quoi ? Tu prêtes attention à la chose. Lorsque c'est pas important, alors que c'est anodin, tu passes à côté. Ou même si tu voudrais t'intéresser au sujet, tu vas pas t'intéresser de façon en vérité comme il le faut. Et ça, c'est justement en vérité donc un manquement dans le fait de quoi de rentrer dans l'islam comme il le faut. Hein, en vérité, en toute soumission, tout et les compagnons du prophète, radhiyallahu anhum, se vantaient hein, lorsque on leur dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a enseigné tout, le compagnon s'est permis de dire oui, et même comment on fait lorsqu'on entre dans les toilettes, hein, lorsqu'on va faire nos petits ou nos grands besoins, il a créé. Donc rien n'échappe justement en vérité aux pieux, rien n'échappe en vérité aux croyants, tout doit être en vérité pris, donc c'est-à-dire comme lourdeur, rien à la légère, tout doit être considéré en vérité comme important. Qu'on parle de ceci ou qu'on parle de cela, même s'il y a bien sûr des priorités. On va commencer par le tawhid, c'est clair. On va commencer par connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, par exemple, ou des choses qu'on a besoin sur le coup, au moment, moi je m'en vais au hajj, demain, j'ai besoin de savoir comment je vais faire le hajj. J'ai pas d'argent pour la zakat, c'est vrai que je peux très bien laisser cette science-là pour plus tard, parce que j'ai pas encore l'argent, j'ai pas commencé à économiser, par exemple. Mais ça reste important, ça reste très important, ça reste en vérité très important. Et bien sûr aussi, donc ne suivez pas en vérité les pas de Shaitan, car il est assurément pour vous un ennemi évident, un ennemi évident. Donc on a vu un peu, de façon générale, vous avez de Sourate al-Baqara, ce qu'il y a en gros, donc par rapport toujours à la foi. Et on va continuer à prendre encore quelques versets vis-à-vis de cette foi. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala cite dans Sourate Al-Anfal, Al-Mu'minun. Donc il commence bien par le fait d'obéir à Allah à son envoyé si réellement vous êtes croyant. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Donc certes, les véritables croyants sont ceux, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur frémisse. Wajilat quloubuhum, leur cœur frémisse. Lorsqu'on leur récite nos versets, leur foi augmente et ils placent totalement leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent leurs prières et de ce que nous leur avons octroyé, ils dépensent. Ce sont eux les véritables croyants. Ils auront des degrés auprès de leur Seigneur et un pardon et une bonne subsistance. Et une bonne subsistance. Donc vous voyez ce verset qui est azim en vérité, qui est important. Car là il mentionne pas mal de points qui ont à voir justement avec la foi. Lorsqu'il dit certes, les véritables croyants sont ceux, lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, leur cœur frémisse. Pourquoi? Car le vrai croyant, il n'est pas imbu de lui-même. Il n'est pas arrogant. Il n'est pas orgueilleux. Il sait qu'il commet des péchés. Il sait faire la différence entre le bien qu'il fait et le mal qu'il fait. Il est croyant pourtant. Mais il sait qu'il n'est pas parfait, il commet des péchés. Lorsqu'il entend ces versets, il a peur. Lorsqu'il y a les versets qui passent où il y a le châtiment, il a peur. Car il est possible qu'un de ses péchés l'aurait peut-être fait. Ça lui fait peur. Ça lui remet en question. C'est pour ça que son cœur est frémi. Car il est, la personne est comme ça, qu'elle soit croyante ou pas, elle va arriver à des moments à commettre des péchés. Et lorsque ces versets lui sont récités, sa foi augmente. Car il entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui quoi? Qui mentionne les bonnes annonces. Donc ça c'est quoi? C'est une espérance. Et aussi, il va aussi bien sûr avertir contre les mauvaises choses. Et ça c'est une peur. Mais tout ça, si ta foi augmente avec l'espérance et avec la crainte, tout en passant par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta foi va augmenter. Et c'est une preuve aussi par rapport à ce verset que la foi augmente. Elle a augmenté par quoi? Par un acte. Quel est cet acte? La récitation ou la lecture du Coran ou l'écoute. Le fait d'écouter donc le Coran avec méditation, avec compréhension. Avec la compréhension de qui, encore une fois? Des pieux prédécesseurs. Et pourquoi pas aussi faire comme eux. Diverser, apprendre et comprendre. Donc apprendre, comprendre et mettre en pratique. Pourquoi ils faisaient ça? Pour arriver loin. Pourquoi en vérité ils faisaient ça? C'est pour arriver loin. Les compagnons ont appris peu pour arriver loin. Ou ça a été plus loin, mais en vérité ils sont arrivés beaucoup plus loin. Et en vérité ça fait penser à une parole de Cheikh Hicham Kathir, rahmallah, lorsque il était encore étudiant jeune en Mauritanie, qu'il avait d'autres chouyours avec lui. Donc lui il récitait le verset jusqu'à 3000 fois. Ou bien le vers, ou bien les poésies, ou bien le texte, ce qu'il avait à apprendre. Jusqu'à ce que ce verset, ou jusqu'à ce que ce verbe, ou cette, ce qu'il y avait à apprendre, était fortement ancré chez lui. Était fortement ancré chez lui. Et les gens apprenaient. Donc ils récitaient, sûrement plusieurs fois, mais pas comme lui. On sait que maintenant, donc chez eux, chez Narqueta, ils vont entre 100 et 500 fois. Ils vont réciter la chose entre 100 et 500 fois, afin que ça reste. Cherchez un critique, faisait encore plus qu'eux. Et lui, on dit, pourquoi tu es en retard comme ça? Il a dit, afin que je rentre chez moi avant vous. Afin que je rentre chez moi, c'est-à-dire le plus vite possible. En vérité, parce que ça va être tellement ancré qu'il n'y a pas besoin de revenir. Mais quand on apprend rapidement, on perd facilement. Ça fait penser à ses compagnons. Il a compris en vérité ce que les compagnons du prophète Mohammed ont fait. Peu, là qu'ils y vont loin avec. Ils vont loin avec parce qu'ils apprennent 10 versets, ils mettent en pratique. C'est pour ça que lorsque un verset vient, hein, ils avaient peur. Donc ils ont peur. Justement de ça. Et ils se posent des questions. Ils réfléchissent dessus la nuit et le lendemain, ils vont voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dire, ce verset-là, je ne l'ai pas compris, il me fait peur. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leur temps à comprendre en vérité cette chose-là. Ils prennent leur temps à comprendre cette chose-là. On ne comprend pas comme ça, en une seule volée. Ça, c'est important. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, ici dans ce verset-là, donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait après cela, bien sûr, donc lorsque leur foi, bien sûr, a monté. Donc ils placent totalement leur confiance en leur Seigneur. Car il faut la confiance en Allah. Il faut tawakkul à Allah. Il faut l'azim. Il faut cette volonté forte. Et ça, ça émane de ce tawakkul qui est en vérité la moche de la religion. Comme le dit Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il mentionne ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, c'est la totale confiance en Allah. Pourquoi c'est venu dans ce Fatiha? C'est pas pour rien. C'est venu dans cette surah, Al-Azima, car tellement c'est important. Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, il dit Al-Inaba wa al-Tawakkul, ce sont justement la religion. Et à partir de ce verset, il a écrit un livre, Madarij al-Salikin. Dans ce verset-là. Lorsqu'on voit le verset qu'on vient de voir, donc innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajadat qulubuhum, ça frémit, il y a une crainte, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, la foi augmente, c'est encore une fois à l'intérieur, wa ala rabbihim yatawakkalun, on voit que là on a affaire à quoi? Al a'mal al qalbiyya, ce sont les actes du cœur. Et là on passe au deuxième passage. On passe à l'autre passage. Alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. On va passer à l'a'mal adh-dhahira, les actes qui sont apparents. Encore une fois, on retrouve l'association avec la prière et la zakat, les meilleurs actes que la personne puisse faire. Donc, comme on l'a dit, as-salat al-ihsan ila Allah wa az-zakat al-ihsan ila an-nas, ila an-nas. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, il termine avec la récompense de tout ce qu'ils ont eu, c'est-à-dire intérieurement et extérieurement, tout ce qu'ils ont fait intérieurement et extérieurement dans la vie d'ici-bas, pour les âmes et dans l'au-delà. Il dit Ulaika humul mu'minun haqqan. Et après là il commence. Ce sont véritablement les croyants. Il a commencé par croyance, il termine par croyance pour appuyer que voilà la vraie croyance, pour appuyer et insister sur le fait que c'est ça la vraie croyance. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Comment ils ont eu les hauts degrés? Par quoi? Par la haute foi, par la foi qui a augmenté. Et qu'est-ce qui a augmenté leur foi? Les actes, la prière, je veux dire le fait de quoi? D'écouter les versets, de les mettre en pratique, de les comprendre et de les mettre en pratique. Donc ça fait augmenter. Donc lahum darajatun 'inda rabbihim, on est fil jannah là. Là vis-à-vis de ce verset, on est au paradis. Donc lahum darajatun 'inda rabbihim, plus leur foi a augmenté, plus les œuvres ont été pieuses, plus le degré de la personne sera haute au paradis. Et après wa maghfiratun. Et pardon. Car il n'y a pas mieux que la prière pour demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas mieux que la prière vis-à-vis des actes, vis-à-vis du quoi? Du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, wa rizqun karim. Elle termine avec la bonne subsistance. Car ce que tu donnes dans la vie d'ici-bas, tu le revois dans l'au-delà. Celui qui a donné ses chameaux, fi sabilillah, le prophète Mohammed a dit qu'il avait joué avec justement ses montures au paradis. Donc tu donnes et tu reçois. Donc tout ce que tu donnes en bien, tu vas recevoir encore mieux. Donc il y aura des gens qui auront plus de choses que d'autres au paradis, car ils ont donné plus dans la vie d'ici-bas. Ils ont donné plus en vérité dans la vie d'ici-bas. Et je vais terminer avec toujours Al-Mu'minun, dans Surat Al-Mu'minun. Hein. Donc ça c'est vis-à-vis toujours de la foi. Qad aflaha Al-Mu'minun Alladina hum fi salatihim khashi'un Walladina hum ani laghwi mu'ridun Walladina hum li zakati fa'ilun Walladina hum li furujihim hafidun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne les mu'minin, les croyants. Qui sont les croyants dans la sourate, justement, qui s'appelle en plus communément les croyants? Certes, les croyants ont récolté le succès. Ceux qui sont dans leur prière profondément recueillis, ceux qui fuient tout verbiage, ceux qui font l'aumône légale, qui préservent la chasteté de leur partie, sauf avec leurs épouses ou avec ceux qu'ils possèdent en toute légalité, ils ne méritent, donc, dans ce cas, aucun reproche. Et celui qui désire autre que cela, ce sont eux les transgresseurs, et aussi ceux qui sont assidus, qui protègent leur prière. Ce sont eux qui vont recevoir en héritage. Ils vont recevoir comme héritage le Ferdos, où ils vont y demeurer éternellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit « Qad aflaha al-mu'minun ». Et on a vu Hein, lorsqu'on a commencé dans Sourate al-Baqarah, lorsqu'on a commencé, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des mu'minoun, il a bien terminé, wa ulaika hum al-muflihun. Hum al-muflihun. Encore une fois, il y a encore une relation avec ce verset-là, donc les cinq premiers versets du Sourate al-Baqarah, et ces versets qu'on va venir, lorsqu'Allah dit, qad aflaha al-mu'minoun. Ça? Donc, qad aflaha al-mu'minoun. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ses croyants. Lorsqu'il mentionne, il commence par, encore une fois, l'acte apparent le plus important, la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné donc leur prière, il a dit qu'ils étaient recueillis. Ils ont un khushu. Ils sont recueillis dans cette prière. Donc ils sont totalement concentrés dans cette prière. Ils sont totalement recueillis. Et quelle est la meilleure façon d'être recueilli dans la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si ce n'est pas en vérité de venir tôt et de prier quelques rak'a, et aussi de lire le Coran et d'écouter l'Aden hein, et de répéter après il a khili, donc d'essayer de se retrouver au premier rang. Ce sont tous des actes qui vont en vérité t'aider, c'est des muqaddimat qui vont t'aider à quoi? À être en vérité concentré. Car tu as délaissé depuis un certain temps les choses de la vie d'ici-bas. Mais remarque, lorsque tu viens juste à l'Iqama, ou bien que tu es en train de discuter avec des frères de choses de la vie d'ici-bas, ou des choses qui t'ont peut-être irrité, énervé, ou des choses qui t'ont trop fait rire, et que voire même, tu es encore en train de parler avec le frère, ça arrive des fois, entre certains, que tu parles avec le frère juste avant l'Iqama, tu lui dis des fois, avec ton doigt, ba'den, ba'den, et tu commences. Comment tu es? Donc, le passage hein, de déconcentré à concentré, il ne peut pas venir comme ça. Il ne vient pas directement. Il y a besoin d'un entraînement. Il y a besoin en vérité de quoi? De passer par des étapes. Et ces étapes-là, en vérité, donc le mieux, c'est de venir plus tôt. Le mieux, c'est de rester le Coran avant, ou de faire des doigts, ou de lire quelque chose. Mais le muhim, d'être en vérité dans la prière. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'avoir l'adab, mashi ila salat. C'est quoi cet adab? C'est que dès que tu sors de chez toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que tu étais déjà en prière. Donc si tu es déjà en prière, garde le comportement de celui qui est en prière. Parce que tu sors de chez toi, tu es en prière. Donc cette route que tu as à faire, si tu es en voiture, si tu as hein, la cassette, mets le Coran, écoute quelque chose, mais quelque chose qui va déjà vers te préparer à ça. Si tu es venu tout, tôt, prie, il a khiri. Ça c'est des muqaddimat. C'est en vérité ce qui va te permettre. Parce que tu as déjà commencé à délaisser en vérité les choses de la vie d'ici-bas pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des points qui sont en vérité importants. Et il délaisse quoi, le futile, le verbiage, les paroles qui ne servent à rien. Hein. Donc il délaisse en vérité la rouille. Que ce soit en vérité tout ce qui est haram, toutes les paroles qui sont ne serait-ce que futiles, pour commencer, au bas degré. Alors que dire si c'est riba ou namima? Que dire que si c'est en vérité el riba ou bien namima ou bien shahadat ozo, toutes ces en vérité, toutes ces paroles-là. Tout ce verbiage, toutes ces en vérité, les paroles qui sont mauvaises, ils se détournent, ils délaissent. Ça ne les intéresse pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait peu. Ça là là. Il parlait peu et il œuvrait beaucoup. Et ça en vérité c'est un signe de quoi? De grand comportement. De peu parler. De peu parler. On ne parle pas de celui qui va faire d'as, il va parler pendant une heure ou plus. Il a besoin d'expliquer. On parle en vérité de façon générale. On parle de façon qui sont en vérité générale. De peu parler, ou bien si on parle, on parle de choses qui sont en vérité profitables. De rester en vérité avec les gens qui te sont profitables. Si tu rentres avec les gens qui connaissent tout par cœur, tous les matchs, tous les résultats, tous les ceci, ils écoutent même les commentaires, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est... Ça sert à quoi? Ça te sert à quoi de connaître la vie par cœur de 25 joueurs, 37 joueurs, l'âge, l'argent qu'il prend, et tu connais tout, tu as été concentré, tu y connais tout, et tu connais pas que ça, tu connais à côté même tous les portables, tous les téléphones portables, les nouveaux, les problèmes, tu connais tout, tu es un spécialiste de la dunia. Mais on va être quand après, dès qu'on va demander qui s'appelle. Comment s'appelle Abu Huraira, si tu vois, ce sont vraiment des vrais noms. Ou pire encore, Abu Bakr Siddiq, on voit que la personne, des fois, elle connaît. Est-ce qu'il y a un fils, Abu Bakr Siddiq? Peut-être que les gens ils vont dire, je ne sais pas. Et ils ont des années dans cette salafia. Ils ont des années dans cet islam. Donc, en vérité, pourquoi? Parce qu'il se détourne hein, des vraies paroles. Il va vers les autres. Il y a tellement de choses. Combien de gens, wallahi, hein, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis fait sur le dire. Combien de gens, j'ai vu arriver, tellement ces gens qui veulent profiter, ils ont... Mais ils ont changé, moi je vois le changement. parce qu'ils sont arrivés 5, 6, 7, 10 ans après moi. En 2 ans, 3 ans, ils ont changé du tout au tout. Ils ont tout délaissé, le mal, ils ont été que vers le ilm. Ils ont, Allah Azzajal leur a donné le baraka à ces gens-là pendant le ilm. C'est incroyable. Au niveau du corps, au niveau de ceux-ci, au niveau de ceux-là, au niveau de Masael, au niveau du adab. Une autre personne, totalement. Pourquoi? Parce qu'il s'est délaissé en vérité du mal pour aller vers le bien. Il s'est délaissé du mal pour aller en vérité, donc justement vers le bien. Vraiment, chez Adib, des jeunes, ils ont 23, ils ont 24, ils ont 25 ans. Des jeunes, c'est pas. Et vite fait, mais subhanallah, Allah Azzajal leur a donné le baraka. Wafaqahum Allah. Allah justement leur a donné cette réussite. Mais ils ont bien sûr, hein, ils ont œuvré comme ils le font. Ils ont mis en pratique ce qu'ils ont appris. Ils ont mis en vérité aussi en pratique ce qu'ils ont appris. Et ça, c'est important, subhanallah. Et ça fait partie des sifats des croyants. Et encore une fois, on voit, et ils s'acquittent donc de leur zakat. Ils s'acquittent de leur zakat et ils protègent donc leur sexe. C'est-à-dire que ils n'ont de rapport qu'avec leur femme, ou si maintenant ils avaient donc ceux qui sont sous leur possession, comme on connaît, et ils ne seront pas jugés par rapport à cela. Et ceux qui dépassent cela, ceux qui cherchent à avoir des rapports sexuels avec autre que son épouse, ou autre que ce qui est légal pour lui, donc c'est clair qu'ils seront transgresseurs. Ils seront en vérité transgresseurs. Et on voit que Zina, souvent il est mentionné, hein, après ceux qui tuent, hein, donc ceux qui tuent sans raison. Et par rapport à cela, l'imam Ahmed a dit que Zina, c'est le plus grand péché après le meurtre. Par rapport à cela, l'imam Ahmed il dit bien que Zina, c'est le plus grand en vérité péché après le meurtre. Après le meurtre. Donc ce sont eux les transgresseurs. Et Allah Azzajal revient et clôture avec encore une fois la prière, l'acte important, la meilleure œuvre. La prière à son heure, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure œuvre, la prière. Et c'est le premier pilier, après bien sûr les deux shahada. Ceux donc qui sont assidus à leur prière, leur prière elle est conforme, non seulement dans la façon de faire, mais aussi à l'heure. Donc, et c'est intérieur et extérieur. Donc il y a quoi? C'est conforme avec les trois piliers de la foi. La prière, c'est pratiquement l'acte où on retrouve les trois piliers de la foi. On retrouve al-khushur. On retrouve quoi? Donc un comportement intérieur. On retrouve al-lafz, al-kalam. Donc un comportement qui va être de parole, hein, c'est-à-dire la parole. Et on retrouve des actes. Donc si tu es conforme, tu as fait une bonne prière. Avec quoi? Avec quoi maintenant? Avec l'heure prescrite et le groupe. Donc si tu as respecté l'intérieur, la parole, l'acte, l'heure, et le groupe, tu as en vérité prié de bonne façon. Vous voyez bien que la prière est tellement importante, c'est pratiquement la seule où on retrouve l'intérieur, la parole et l'acte, hein, les gestes. Où il t'est interdit d'être déconcentré intérieurement, de prononcer une parole qui est autre que celle de la prière, et de quoi? De faire des gestes qui sont à l'origine autres et qui sont en dehors de la prière. C'est une concentration totale. Donc comme on l'a dit, physique et intérieur. Physique et intérieur. Et c'est pour ça que c'est le seul acte que si tu peux pas, que qui n'est pas délaissé. Hein? Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas obligé de payer la zakat. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas obligé de faire le hajj. Parce que la prière, quoi qu'il en soit, tu dois prier. Que tu sois malade, que tu sois vieux. Tant que l'aql il est là. Tant que la raison est là. Sinon, tu dois toujours prier. Quoi qu'il en soit. Donc on voit que c'est que d'où, même si tu étais en vérité en djihad. Même si tu étais dans les moments les plus difficiles, dans les combats les plus difficiles, il y a juste une seule preuve où ils l'ont retardé, la prière Ba'd al-Shuruq. C'est lorsque les compagnons ont dû monter, hein, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont dû en vérité passer au-dessus de la citadelle. Et que le Shuruq, donc la prière, c'est le seul moment où ils ont prié en vérité hors de l'heure. Le seul moment. Et là, c'était un moment trop décisif. C'est un moment en vérité décisif. Sinon, on voit bien que ils priaient deux rak'a, et voire même une rak'a. Et voire même en vérité une rak'a. Mais la prière, elle restait. Mais la prière, en vérité, elle était tout le temps là. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il donne un résultat. Toujours. Et le résultat, il est encore une fois dans le paradis. Ils seront les successeurs. Ils seront, et donc ils vont, quoi? Ils vont hériter. On voit bien que l'héritage en islam, ce n'est pas d'héritage de bien. Ils vont hériter le ferdos. N'est-ce pas que le ferdos, c'est ce dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé où ils vont y rester en vérité éternellement. Donc j'essaie d'être succinct, parce qu'on va arrêter le sujet du, hein, de la foi. On pourrait en vérité parler sans s'arrêter. Alhamdoulilah, il y a énormément de livres qui ont été écrits. Donc que ce soit Cheikh Ibn Taymiyyah, hein, que ce soit Ibn Mandah, même Bukhari dans son livre, et d'autres. Maintenant, il y a un livre qui a été compilé par plusieurs chiouks qui s'appelle Usul al-Iman. Il est simple, mais il est merveilleux. Usul al-Iman. Donc il parle des piliers de la foi, et après il parle aussi comment le, on va arrêter, donc qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que, comment se comporter avec le gouverneur, comment se comporter avec le compagnon du prophète et l'akhiri. Il y a aussi Usul al-I'tiqad dans l'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Il y a énormément donc de livres, de récits. Et parmi les, donc le livre contemporain, c'est celui-ci, qui est bien en vérité, qui a été écrit par plusieurs chiouks, donc Cheikh Souhaimi, Cheikh Ibrahim Al-Khali, Cheikh Abdel Razak Al-Abad, avec le Muqaddimah de Cheikh Ali Nasser Al-Faqihi, ainsi que Cheikh Salah Al-Sheikh. C'est un livre qui est important, qui est bien, qui donne les bases, mais qui est important, qui reste en vérité important. Il fait 300 pages, et qui, bien sûr, qui devrait être en vérité mentionné, ou, c'est-à-dire en vérité, appris, et. Mentionner Abdelhad dans les mosquées, que les gens devraient en vérité apprendre et enseigner plutôt, hein, les gens ces choses-là. Ils devraient en vérité les, enseigner les croyants justement ces bases. Et ça, c'est très important. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu anna ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bon, barakallahu fikum, la daura se clôture ici. Et on remercie donc les responsables de cette mosquée pour avoir accueilli donc non seulement les frères qui sont venus de très loin, et aussi qui sont venus, donc il y a aussi ceux du quartier et ceux de, des alentours, de leur avoir accueilli, de leur avoir pouvoir laisser dormir ici, et aussi de les, pouvoir les aider dans toute chose. Je remercie énormément le frère Abou Zaïd, et on espère le revoir très bientôt. Donc on va essayer de le ramener le plus souvent possible. À ce moment-là, il est venu une fois, on ne veut plus le lâcher. Hein, alhamdoulilah, il nous a parlé d'un sujet qui était très très important, très moufine. Donc les avoir il a pris énormément de temps pour faire ça. Moi, là, on m'a déjà rendu rien car je suis très fatigué. J'imagine 4 heures. T'as bu du bison ou quoi? T'as bu. Il y a sûrement, machin, il y a sûrement du manger, je ne sais pas quoi, pour pouvoir tenir. Allah est belle 4 heures. Et c'est important qu'on ait justement ce genre de frères qui ont des expériences dans des domaines qui sont en vérité des fléaux. Qui sont des fléaux. Il y a raison de mentionner. Hein, ce sont des fléaux qu'on voit que ici, ne serait-ce que sur Roubaix, il y a un frère qui me dit, donc par rapport à une femme qui est sahira, où il y a la queue, plus que le médecin. Il y a là que ça sort. Ça sort. Un autre frère me dit, il n'y a pas un quartier de Roubaix où il n'y a pas un Sahel. 40 000 Arabes à Roubaix. 40 000 musulmans à Roubaix. Il n'y a pas, voilà. Il y a un frère, ça c'est, il n'est pas ici, mais il y a un frère d'ici. Il y a une quinzaine d'années de ça déjà. Dans le bus, il parlait de certains, un sorcier qui était connu de Roubaix, il y a déjà une quinzaine d'années de ça. Il parlait devant des filles arabes. Il disait, beaucoup le voient. Hein. Il leur a dit, vous aussi vous y allez? Elles ont baissé la tête dans le sens où nous aussi on y va. Donc c'est pour vous dire que c'est une mode. C'est vrai que c'est énormément propagé et beaucoup plus qu'on croirait. Beaucoup, beaucoup plus qu'on le croirait. Et c'est venu depuis il y a très longtemps. Depuis il y a très longtemps. Moi, il y a des histoires qu'on me raconte où avant, surtout à l'époque, dans les années, fin des années 70, tout ça, déjà ça, c'est ancien, les Arabes, quand même, ils tenaient, entre guillemets, ils avaient le pouvoir, ils tenaient leur sœur beaucoup plus facilement que maintenant. Ben, qu'est-ce qu'elles faisaient? Les premières méthodes qu'elles commençaient, c'est de mettre du cerf sur leur frère, comme ça, ils ne voient rien, ils ferment les yeux, elle fait ce qu'elle veut. Elles ont commencé comme ça, rien que pour pouvoir avoir de la liberté. Donc on voit qu'en vérité, c'est des recours à tout type de situation. Et des Allah khair, wa barakallahu fihi. Subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.